Dick le petit qui lit la nuit où il naquit. Dans son berceau bondit et poussa un grand cri. Moi veux faire comme papy, moi veux sortir du lit. Toutoune gentille, gentille, voudrait petite paire de ski. Le père qui lit ravi d'un petit tonneau lui fit une paire de planches et dit: allez vas-y mon petit, va doucement. C'est tout bon, c'est tout bon, bon, bon, c'est tout bon. Qui lit c'est bon, c'est bon, c'est tout bon. Va doucement, c'est tout bon. Le grand Jean-Claude qui lit un jour à Chamonix se faisait bien du souci en chaussant ses beaux skis. Il se dit sapristi, quel fichu temps pourri, c'est pas joli, joli pour courir aujourd'hui. Petite gars du pays s'approcha et lui dit: te fais pas tant de soucis, c'est gagné mon kili. Va doucement, c'est tout bon. Oh, c'est tout bon, bon, bon, c'est tout bon. Kili c'est bon, c'est bon, c'est tout bon. Va doucement, c'est tout bon. L'autre soir j'ai vu Kili dans une boîte de nuit. Il serrait contre lui une fille drôlement jolie. Noyé dans son whisky, il était mal parti. Et dans son euphorie, il parlait de Mary. M'approchant, je lui dis: l'amour c'est pas le ski. Le jour où tu te maries, mon vieux, c'est pour la vie. Va doucement, oh. C'est tout bon, c'est tout bon, bon, bon, c'est tout bon. Kili c'est bon, c'est bon, c'est tout bon. Va doucement, oh c'est tout bon. Doucement Kili, doucement, va doucement vain Dieu. Doucement Kili, doucement, vain Dieu Kili, doucement. Doucement je t'ai dit doucement, oh. Va doucement, c'est tout bon.